Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le directeur général de la Régie des eaux recommande à tous les clients de cette entreprise de distribution d'eau et d'électricité de signaler toute surfacturation constatée et de réclamer des corrections. Jéroboam Zikobanyanga l'a dit hier lors d'une rencontre avec les grands consommateurs d'électricité. Et un greffier du tribunal de grande instance de Karoussi est en cavale depuis 3 semaines. Le procureur de la République affirme que cet homme est poursuivi par la justice pour escroquerie et usurpation du pouvoir. Et la ministre de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha, n'est pas du tout contente. Vous l'entendrez, des enseignements du soir organisés dans les universités privées. Voilà pour les quelques titres. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, la ministre de l'Éducation nationale dit avoir trouvé des irrégularités dans l'organisation de la formation du soir dispensée dans les universités privées. Madame Geneviève Ndirahisha l'a indiqué ce mardi dans un atelier d'échange avec les recteurs de toutes les universités œuvrant au Burundi. La ministre de l'Éducation annonce également qu'il y a également des étudiants du soir qui sont diplômés alors qu'ils n'ont pas bien suivi les cours. Elle fait appel aux recteurs de toutes les instituts et universités privés de respecter le cadre légal régissant les enseignements supérieurs. J'aurais aimé aussi de parler de la formation du soir. La formation du soir me tient à cœur. Dans le système BMD, on dit enseigner autrement, évaluer autrement, et ainsi de suite. Mais nous risquons un jour de ne plus avoir des étudiants dans les amphis. Comment se fait-il que j'ai un étudiant du soir qui travaille du lundi au vendredi à Changhutu, mais il est inscrit comme étudiant du soir dans une université, c'est-à-dire qu'il devait étudier lundi jusqu'à samedi ou dimanche. Alors il y vient samedi. Mais si j'ai terminé mon boulot à 15h30, comment je peux me rendre à Bujumbura et étudier le samedi et dire qu'après je ne sais pas combien d'années que j'ai mon diplôme. Maintenant, je les refuse. Je les refuse parce que ne pas étudier. C'est la raison pour laquelle je dis qu'un jour, on n'aura pas d'étudiants. Alors, il y a le règlement académique. Il y a le nombre d'absences des étudiants. Mais est-ce que c'est vraiment dans nos établissements d'enseignement supérieur? Donc je pense qu'il serait mieux, effectivement, de respecter les textes réglementaires. C'est vraiment anormal qu'on donne à un étudiant, lauréat, je ne sais pas d'où, 98% après la défense de son mémoire, 98%, même 99%. Voilà, c'était la ministre de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha. Et le 20e sommet des chefs d'État du marché commun de l'Afrique australe et orientale se tient les 18 et 19 avril prochains au Burundi. Cette annonce a été faite par le secrétaire général du COMESA à son arrivée ce mercredi matin à l'aéroport international de Bujumbura. Cindy Songwenya a aussi déclaré que lors de cette session, deux pays, à savoir la Tunisie et la Somalie, vont officiellement adhérer à ce marché composé de 19 pays, dont le Burundi. Suivez-le, il est traduit par José. Is to finalize everything for the hosting of the COMESA summit on the 18th and 19th of April. C'est pour finaliser les préparatifs et pour la tenue du sommet de la COMESA des chefs d'État le 18 et le 19 avril avec le président burundais, son Excellence le président Pierre Nkurunziza. Il sera précédé par la réunion du Conseil des ministres des Relations extérieures et du Conseil et du Comité intergouvernemental. Il n'y a aucune condition pour la tenue à Bujumbura de ce sommet parce qu'en 2014, pendant le sommet du COMESA qui s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les États membres se sont mis d'accord que c'était le tour du Burundi d'organiser le sommet suivant. Tout membre de la COMESA avait organisé ce sommet. Notre rôle, c'est de permettre un arrangement pour que ce sommet réussisse. C'est ce que nous avons fait avec le gouvernement burundais, de trouver des hôtels, tout ce qui est nécessaire est prêt. C'est pour cette raison que je suis souriant. La Tunisie sera acceptée comme 20e État membre. La Somalie est aussi de retour dans la communauté. Nous espérons qu'à la fin du sommet au Burundi, COMESA aura 21 membres. Somalia coming back to COMESA. So you expect that by the time the summit ends in Burundi, we shall have 21 member states. Le secrétaire général du COMESA, Cindy Songwenya, traduit par Joseph Sabiyabandi. Et le conseil communal de Mukaza, mairie de Bujumbura, ne réunit pas ses membres régulièrement comme c'est prévu par la loi communale. Pour l'an 2017, seules 2 réunions ont eu lieu sur 4 prévues par la loi. Tandis que pour l'année 2016, ce conseil n'a pu se réunir que 3 fois. Patrice Sabuguheba, un des membres de ce conseil, dit que c'est un mauvais exemple pour une commune urbaine qui devrait se réunir souvent pour étudier les grands projets de développement. Suivez-le. Moi, je pense qu'il y a quelque part un dysfonctionnement qui fait que les réunions ne se tiennent pas régulièrement. Parce que la loi est claire. On dit que le conseil communal devrait tenir des réunions ordinaires, au moins 4. Et ces 4 réunions, c'est pour uniquement le conseil communal. Il y a d'autres 2 réunions dites communautaires qui devraient se tenir conjointement avec les élus collinaires. Ici, à mairie de Bujumbura, on parle des conseillers des quartiers. Et ce dysfonctionnement cause beaucoup de pertes à l'administration communale de Mukaza. En 2016, il y a eu 3 réunions ordinaires. Les 2 autres réunions communautaires qui devraient faire rencontrer les élus des quartiers n'ont pas été tenues. En 2017, il y a 2 réunions ordinaires. Ça veut dire que les 2 réunions autres qui devraient faire rencontrer les élus des quartiers n'ont pas été tenues. En tout, pour l'année 2017, on a fait 2 réunions uniquement sur 6 réunions. Et comme solution, c'est effectivement se rattraper par de grands efforts. Mais il faut se rappeler que la commune de Mukaza se trouve dans la capitale du Burundi. Nous devrions être la lumière du pays au niveau de l'administration et de la bonne gouvernance. Et à ce sujet, la présidente de ce conseil communal, Émérance Aïcha Kiyé, a indiqué à la rédaction qu'elle n'a rien à dire et l'a renvoyé à la radio Isanganiro à l'administrateur de Mukaza que nous n'avons pas pu joindre jusqu'à l'instant. Et le directeur général de la Régie des eaux reconnaît qu'il arrive que certains agents chargés du recouvrement puissent se tromper lors de la confection des factures sur l'eau et l'électricité consommée. Jéroboam Nzikobanyanga demande à qui que ce soit qui constate une certaine surfacturation de saisir les services de cette Régie d'eau et d'électricité habilité pour qu'ils soient régularisés. Le directeur général de la Régie des eaux l'a dit ce mercredi lors d'une réunion d'échange avec les gros consommateurs de l'énergie électrique. Effectivement, tout ce travail est fait par l'humain, donc c'est fait de façon manuelle. Nous avons un problème de logiciel, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Ce que nous faisons, c'est que dès que chaque citoyen burundais, chaque client de la Régie des eaux voit ses erreurs et qu'il s'approche des services de la Régie des eaux pour qu'on puisse corriger ces erreurs, parce que les erreurs, ça arrive. Et aussi, je profite de cette occasion pour interpeller tout client de la Régie des eaux qui constate qu'une facture est très grande et que ce client n'est pas à mesure de le payer immédiatement, qu'il s'approche aussi de la Régie des eaux parce que la Régie des eaux est maintenant disposée à écouter toute sa clientèle, à suivre toutes les difficultés qu'il y a et à faire des aménagements de paiement, de faire une entente de paiement. Et j'invite tous les clients à s'approcher de la direction commerciale, là où la direction commerciale n'est pas à la hauteur, de s'approcher de la direction générale. En tout cas, nous allons faire à ce que tous les clients de la Régie des eaux puissent bénéficier de l'électricité et de l'eau en permanence. Ce que nous ne voulons pas, ce sont ces gens récalcitrants qui se disent que nous sommes intouchables, que la Régie des eaux ne peut pas interrompre nos fournitures, mais les gens qui vont s'approcher de la Régie des eaux, nous allons déployer tous nos moyens pour trouver des arrangements à l'amiable. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, le personnel du centre de santé de Mutambu de la province Bujumbura menace de suspendre les activités d'ici le 14 février si leurs préoccupations ne sont pas analysées à temps. Parmi les préoccupations soulevées se trouve celle d'une personne qui a créé de l'insécurité dans cette structure de santé l'année passée. Et ce personnel accuse la responsable de n'avoir pas joué son rôle pour traduire en justice le coupable. Au moment où le ministère de la Santé publique affirme avoir traité toutes les questions hormis celles liées à la gestion, le personnel précise que la question primordiale de la responsable n'a pas été étudiée. Placide Niyomungere. Le personnel de ce centre de santé de Mutambu indique que le climat malsain entre eux et la titulaire a été aggravé par une personne étrangère qui a fait irruption dans la cellule maternité l'an passé, un dossier qui aurait été négligé par la responsable, dit-il. La principale question que nous avons, c'est une personne qui s'est introduite au sein du centre de santé et il a commencé à perturber la sécurité des malades dans la maternité. C'est pas une personne qui faisait partie du personnel du centre de santé. C'est une personne qui était venue de l'extérieur. Selon les dires de ce personnel, le sentinelle a cédé le passage à cette personne car il était habitué à fréquenter cette structure sanitaire via son cantine y érigée. Nous disons que cette personne était connue au niveau du centre de santé. C'est pourquoi même le veilleur qui était à la portail a accepté d'ouvrir à cette personne parce qu'il avait un petit restaurant au sein du centre de santé. Avec les mêmes accusations, ce personnel charge la titulaire de ce centre de santé d'avoir tenté de calmer la situation au lieu de traduire en justice le coupable. Le titulaire est impliqué dans la mesure où elle-même, dans la réunion qu'il a tenue avec le personnel le lendemain, elle a accepté qu'elle a aidé la personne à demander pardon au mari de cette femme en donnant une somme de 30 000 francs pour les empêcher de mettre en haut la situation. Le personnel de ce centre de santé de Mutambu dit avoir saisi toutes les institutions habilitées, le ministère y compris, mais que la question primordiale de la titulaire n'a pas été attaquée dans toutes ses facettes. Laradi Sanganilo a contacté la responsable de ce centre de santé, Emeline Kwizera, de son côté. Elle a indiqué que, de sa connaissance, la question a été vidée par les commissions qui ont été initiées. Une réponse similaire à celle donnée par le ministère de la Santé publique. Tade Ndikumana, le porte-parole, a signifié que la seule question qui reste à résoudre est celle de la gestion de ce centre de santé et qu'une commission pour audit sera redéployée très prochainement. Toutefois, le personnel de ce centre de santé a déjà lancé un préavis de grève d'ici 14 février si les préoccupations ne trouvaient pas solution, celle de la responsable y comprise. Placide Niyomongere, un greffier du tribunal de grande instance de Karoussi, est en cavale depuis 3 semaines. Le procureur de la République affirme que cet homme est poursuivi par la justice pour escroquerie et usurpation du pouvoir. Ses victimes sont des enseignants et commerçants à qui il promet de leur amener des permis de conduire biométriques. D'autres sont ceux à qui il donne des chèques sans provision. Le président du tribunal de grande instance affirme avoir déjà saisi l'autorité du ministère de la justice pour son cas. Blaise Pascal Kararumi. La police a acquise Désiré Girukwishaka, un greffier du tribunal de grande instance de Karoussi, de l'escroquerie, abus de confiance et usurpation du pouvoir, comme le disent les responsables de la police de Karoussi. Ils expliquent qu'il a comparu une seule fois et que par après, il a refusé de comparaître. Le procureur de la République confirme qu'il y a déjà un mois que ce greffier ne se présente plus au service et dit que ce Désiré Girukwishaka aurait pris connaissance qu'il est recherché par la police pour comparution et de là, il aurait préféré ne plus se présenter au service. Parmi les justiciables qui disent avoir été dépouillés de leurs biens et argent par ce Désiré Girukwishaka, il y a des enseignants, des commerçants et d'autres. Ils indiquent qu'ils avaient déjà d'abord sollicité le concours du président du tribunal de grande instance, mais par après, celui-ci les a orientés au sous-commissariat provincial de la police judiciaire pour l'instruction du dossier. Le président du tribunal de grande instance dit qu'il a déjà transmis à l'autorité hiérarchique du ministère de la Justice pour que le ministre de la Justice puisse prendre des décisions relatives. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Des manuels scolaires dans la direction provinciale de l'enseignement à Bururi sont disponibles depuis ce lundi, même s'ils restent très insuffisants puisque l'on n'en dispose que d'un exemplaire par discipline. Les directeurs d'école ayant les deuxièmes années post-fondamentales sont appelés à faire des photocopies sur les frais scolaires, ce qui n'est pas pourtant facile avec le seul Minerval, selon certains directeurs d'école contactés. Jean-Pierre Misako. Selon Firmé Boutchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, les manuels scolaires dans les deuxièmes années du poste fondamental sont disponibles à la direction provinciale de l'enseignement à Bururi depuis ce lundi. Un exemplaire par cours. Ce responsable scolaire demande à tous les directeurs d'école concernés de procéder à la photocopie de ces documents scolaires afin que les cours puissent être dispensés dans ces années. Des cours pour la plupart au point mort depuis le début du deuxième trimestre en cours. selon le directeur provincial d'enseignement à Bururi, les frais grignotés sur Minerval sont ceux-là qui serviront dans cette opération. Pour certains directeurs interrogés, il s'agit d'une tâche difficile car c'est ce Minerval qui devrait servir pour rembourser les dettes contractées lors de la passation des examens du premier trimestre. Le Minerval du poste fondamental devant servir pour couvrir aussi les besoins du fondamental déclaré gratuit. Malgré le retard déjà observé et qui aura des répercussions sur l'avancement des programmes, les directeurs disent que l'urgent est de photocopier ces manuels et s'attendre à faire face aux difficultés de pouvoir organiser les examens du deuxième trimestre sans avoir payé les dettes contractées au premier trimestre. Pour eux, le ministère devrait fournir ces documents qui nécessitent pour la plupart d'être en couleur au lieu des photocopies et les préserver ainsi aux perpétuelles dettes. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Et environ 2% des couples vivant sans être légalement mariés dans la province de Ngozi sont du chef-lieu de cette province et de ceux des communes et pour la plupart des musulmans. Ces propos sont de l'inspecteur provincial de l'état civil qui a indiqué que d'autres séances de sensibilisation sont prévues à l'endroit de ces récalcitrants pour que toute la province soit couverte. Apollinaire Muzagara. Selon cet inspecteur provincial de l'état civil, 87,7% des ménages de la province Ngozi sont formés légalement actuellement. Le taux a sensiblement augmenté l'an passé suite à l'appel lancé par le président de la République, explique Athanas Kivinakan. Cet inspecteur indique que les ménages qui n'ont pas encore répondu à cet appel ont été déjà identifiés. Ce sont pour bon nombre de cas, c'est du chef-lieu provincial et des centres de négoce des différentes communes de la province Ngozi, composés pour la plupart de musulmans. De tels ménages formés illégalement, éparpillés dans toutes les communes d'Ngozi, ont été également enregistrés. Les derniers seront prochainement encore une fois approchés pour d'autres séances de sensibilisation afin d'enlever toutes les barrières basées notamment sur des enseignements religieux. L'objectif, selon lui, est de multiplier les efforts pour que tous les couples de cette province soient mariés légalement, indiquant que bon nombre d'enfants issus de tels couples ne sont pas enregistrés aussi à l'état civil. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire. Retour à Bujumbura pour vous dire que la destruction de certaines infrastructures de la ville de Bujumbura est due en partie à des constructions qui ont été faites près des rivières en violation de la loi. Selon le député Pamphile Malayika qui fait cette analyse, le gouvernement devrait soutenir les berges de ces rivières en se référant au plan directeur de la ville de Bujumbura en 2045. Suivez le député Pamphile Malayika, il est ingénieur en construction. Il y a les gens qui achètent des parcelles à des particuliers. Ils ne regardent même pas la position de cette parcelle par rapport à la rivière. Et vous trouvez des constructions qui sont juste au-dessus des berges de la rivière. Quand il y a augmentation de volume de l'eau, ces constructions sont directement menacées. Il y en a même qui se démolissent suite à cette situation. Ces gens qui achètent les parcelles, ils construisent tel qu'ils l'entendent. Il n'y a pas d'encadrement de la part des techniciens de l'urbanisme ou du cadastre national, à tel point qu'ils ne respectent pas les reculs par rapport aux routes, par rapport à ces rivières, et de façon que la gestion de l'eau en provenance de ces constructions vraiment devient dérisoire. Qu'est-ce qui devrait être fait pour protéger ces rives? Il faut qu'on fasse le dragage de ces rivières et aussi il faut qu'on construise les lives et le lit pour la stabilisation totale de ces rivières, pour que ces dernières jouent leur rôle. Il faut que le gouvernement aide les gens qui sont à proximité des rivières au niveau de la construction des caniveaux. Une solution que je trouve définitive pour juguler tous ces problèmes, c'est le plan directeur de la grande ville de Bujumbura. Si la vision est de 2045, il faut qu'on commence la mise en œuvre à partir d'aujourd'hui pour faire face à ces situations. Sinon, les problèmes vont s'accumuler. Un jour, on va se réveiller étant déjà tard. Le député Pamphile Malayika, dont les propos ont été recueillis par Alida Ndaïkez. Des habitants de certaines parties des quartiers Moussama et Moussoro de la zone Kanyosha, commune Mouhamérie de Bujumbura, se plaignent de passer 5 jours sans courant électrique. Des commerçants dans les cafétérias et des propriétaires de salons de coiffure et bistrots affirment qu'ils enregistrent un énorme manque à gagner et demandent à la Régie des eaux de régler ce problème. La direction de l'électricité à la Régie des eaux reconnaît ce problème et promet que d'ici la fin de cette semaine, ce problème aura été réglé. Elie Nibel, Nibigira. Cela vaut dans des habitants des quartiers Moussama en zone Kanyoshe et Busoro au sud de la mairie de Bujumbura. Par exemple, entre la 2e et la 4e avenue, des salons de coiffure étaient fermés. Idem, au quartier Busoro, c'est difficile de connaître si ces maisons y ont un jour existé. Les habitants de ces quartiers indiquent que ça fait 5 jours qu'il n'y a pas de courant électrique. Ils ajoutent que la dernière fois qu'ils ont vu le courant électrique, c'est vendredi de la semaine passée. Les boutiquiers et les propriétaires de bistrot ne sont pas épargnés. Ils disent qu'en l'absence de courant électrique, de la viande et d'autres produits pourrissent et des boissons froides pour leurs clients n'existaient plus. Le problème majeur, c'est que si on n'a pas d'électricité, les produits qui sont dans les frigos, nous avons jeté beaucoup de produits à cause de la manque d'électricité. Et l'électricité ici, c'est beaucoup utile. Ces habitants de ces quartiers demandent que ce problème soit réglé. Contacté à ce sujet, le directeur de l'électricité à la régie des eaux reconnaît ce problème causé par un transformateur en panne et que d'ici cette semaine, le problème sera réglé. Et pour terminer ce journal, la journée internationale du sport féminin n'est pas connue au Burundi. C'est ce que fait remarquer l'entraîneur adjoint du club de volleyball New Colombes, évoluant au championnat de volleyball en mairie de Bujumbura. Liliane Nshimirimana regrette le fait que rien n'a été prévu au Burundi en cette journée internationale célébrée chaque année, le 24 janvier comme aujourd'hui, ce qui freine le développement du sport féminin. Suivez Liliane Nshimirimana au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Franchement parlant, cette journée n'est pas connue. Nous l'avons apprise par Internet. Sinon, la journée du 24 janvier qui est dédiée à la journée internationale du sport féminin, vraiment, cette journée n'est pas connue ici chez nous au Burundi. Sauf fait que cette journée n'est pas prise en compte, l'erreur est de qui? Je dirais que l'erreur est de deux côtés. D'abord, nous-mêmes les femmes devons prendre en compte que cette journée est pour nous. C'est une journée qui nous est toute dédiée. Il y a aussi le ministère ayant dans ses attributions le sport. Son ministère devrait organiser au moins quelque chose pour manifester cette volonté de soutenir le sport féminin. Sous d'autres cieux, dans les pays développés, on constate que le sport en général, celui des femmes et des filles en particulier, est un métier. Vous êtes pour cette analyse, qu'est-ce que vous en dites? Ici chez nous, les femmes qui font le sport, je dirais que peu d'entre elles ont une vision. Les femmes pratiquent le sport amateur. Pas le sport professionnel, mais quand même ça commence à venir. Mais sinon, jusqu'à l'heure où nous sommes, on n'a pas des femmes sportives professionnelles, on n'a que des amateurs. Il y a aussi ce manque de détection des talents et à ce niveau que devrait faire le Comité National Olympique, que devrait faire le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Un appel au Comité National Olympique, en collaboration avec le ministère ayant le sport dans ses attributions, c'est que il fasse vraiment des efforts. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de filles sportives, des jeunes sportives qui manquent d'encadrement là où elles sont. Elles devraient donc conjuguer leurs efforts pour essayer de faire la détection de ces talents qui sont cachés peut-être à l'intérieur du pays, dans les établissements ou je ne sais pas. Avec cet effort, elles peuvent se vanter, elles peuvent s'affirmer et faire du mieux dans le domaine du sport. Voilà, c'est sur cette page sportive que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitebouti pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco, Douimana. Passez un bon après-midi.